Oh ouais, un petit Richta, un petit Richta. Chacune de mes rimes témoigne de ma rage. À mort les porcs, c'est extra hardcore, démarrage en marche. J'nique ta France mais j'dégage pas. Pousse à outrance c'est ça depuis le sage pas. C'est ça j'parle, j'continuerai de brailler. Demande pas pourquoi il faut de la maille pour grailler. Ça y est, un chromie et on fout le boucan. C'est comme promis l'ami, t'aimes pas fou le camp. C'est tout le clan qui débarque, viens et s'pose. Les putes mangent des claques quand la rime explose. J'pose, pose pour les bas quartiers. Là où la police tourne afin de placarder. Marder, traître, j'passe mon coup de gueule. Ma voix prête, bruyant comme un coup de gueule, j'gueule. Pour le département 7-5, plus précisément la zone nord, loin 7-5. Que ça soit clair, si rap c'est un pour la rue, pour la rue 2 et 3 pour la maille, ça se passe en silence. Seul face à ma feuille blanche, le beat, me voir qui dans le micro. Ça se passe en silence, quand je suis seul face à ma feuille blanche. Ça se passe en silence, seul face à ma feuille blanche. Le beat, me voir qui dans le micro. Ça se passe en silence, silence. Anti-PD, 100% hétéro. Amoureux de la rime, je trime comme un Santero. Frérot, toujours OP sur le terre-terre. T'espères nous stopper, t'espères me faire taire. Bâtard, rageur, c'est pas eux qui me feront taire. Les faits auto-majeurs, même si sont frontières, on perd. De Marseille en passant par Paris. La même violence au mic, putain de par Paris. C'est là que j'arrive, t'inquiète, je m'arrête pas. Je fais du rap, mon bis pendant que d'autres deals dérèdent pas. Ça plaît pas, veut que je pisse sur la République. La police assassine, agresse sur la voie publique. Revendique, c'est à la rue que nous dédicassons. Aux gens bien, aux cas sociaux, on manque d'éducation. Ce son ne tournera jamais dans leur hit. 17 puits sur les nerfs, PK famous pour le feat. Que ça soit clair, si rap c'est un pour la rue, pour la rue 2 et 3 pour la maille, ça se passe en silence. Seul face à ma feuille blanche, le beat, me voir qui dans le micro. Ça se passe en silence, quand je suis seul face à ma feuille blanche. Ça se passe en silence, seul face à ma feuille blanche. Le beat, me voir qui dans le micro. Cette zone nord, rien que des cas à part. Les miens jaunes nord, donc du mic je m'accapare. Rempart exposé, donnez-moi ma part, cousse. Rien à foutre leur hip hop et Z7 partout, on part tous. Pour les mecs vénères et gars cool, cœur pas calibré, qui mettent la cagoule et ma boule. Ça vient de la street, ça reste anti-flic. Eric KTA et la rime scientifique. Les flics traquent les petits dealers de bédo. Laisse libre assassin, violeur et pédo. J'plaido Mike, ouais pour les gens qui restent stressés, Afrique et les Antilles. Qu'un riz sur tes blics blics trace une grosse croix. T'es rien sans maille, voilà ce que les gosses croient. Quoi, j'enquire la tour, on est là pour tout niquer, t'inquiète, le terrain on laboure. Ouais ouais, MC Richta, 17 zone nord. Fini de jouer maintenant. Ça se passe en silence, seul face à ma feuille blanche. Le beat, me voir qui dans le micro. Ça se passe en silence, quand je suis seul face à ma feuille blanche. Ça se passe en silence, seul face à ma feuille blanche. Le beat, me voir qui dans le micro. Ça se passe en silence, silence. Maintenant.